أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur, l'élévation de gré, le plus complet, le plus parfait soit accordé à notre maître Muhammad صلى الله عليه وسلم. Donc on est dans le mois de Rajab, dans ce mois-là. Donc il y a eu un grand miracle pour le prophète, et plus exactement c'était la nuit du 27. La nuit du 27, c'est normalement ce soir de Rajab. Le prophète, il a eu ce miracle qui est cité dans le Coran, dans une sourate qui porte le nom de l'Isra, le voyage nocturne. Donc l'Isra et Al-Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension à travers les sept cieux. Donc c'est un miracle déjà, donc mu'jiza en arabe. Le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu accorde aux prophètes pour les confirmer dans leur prétention à la prophétie et qu'on ne peut pas contrecarrer par quelque chose de semblable. Donc ce n'est pas de la magie. Donc les prophètes, ils ont eu des miracles. Et celui qui a le plus de miracles, c'est Sayyidina Muhammad, le meilleur des prophètes et des envoyés. Donc ce grand miracle de l'Isra et le Mi'raj a lieu avant l'émigration du prophète. Et c'est durant cette nuit aussi, il est important parce que aussi durant cette nuit qu'il y a eu l'obligation, la révélation de l'obligation des cinq prières. Avant cela, il y avait une prière, comme dans le hadith que nous verrons, où le prophète il raconte Isra et Mi'raj, il dit qu'il a fait la prière de la nuit. Donc avant cela, il y avait une prière de nuit que le prophète il priait avec ses compagnons. C'est à l'occasion de l'Isra et Mi'raj qu'il y a eu l'obligation des cinq prières. Au début, c'était 50, ensuite, ça a été allégé de 5 en 5, comme on sait, jusqu'à 5. Avec la récompense de 50 pour celui qui les accomplit correctement. Les cinq prières sont la meilleure des œuvres après la foi en Allah et en son messager. Et donc, ça commence par l'Isra. Allah dit dans le Coran, « Subhan alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa » الذي باركنا حوله نريه من آياتنا. Donc ce verset là qui est le premier verset de sourate l'Isra. Donc subhana, ça veut dire l'exemption de Dieu de toute imperfection. Quand on dit subhanallah dans le dhikr, ça veut dire ça. C'est-à-dire que Dieu est exempt de toute imperfection, de tout ce qui n'est pas digne de lui, il n'est pas concerné par tout ce qui est les attributs des créatures, la forme, la quantité, la localisation, le changement, l'endroit, l'espace, le temps, Dieu est exempt de tout cela. Et d'ailleurs, on rappelle que ce qui est visé par l'Isra et le Mi'raj, comme on l'a dit, c'est honorer le prophète et lui montrer les choses étonnantes du monde céleste. Et en résumé, il faut savoir qu'il n'est pas visé par cela. Il ne faut pas croire que le prophète il aurait rencontré Dieu quelque part dans les cieux parce que Dieu est le créateur de l'espace du temps. La croyance justement de tous les prophètes, qui est la croyance de l'islam, de Adam jusqu'à Muhammad, que Dieu est le créateur de toute chose et il n'a pas besoin de ses créatures. Tout ce qui est une forme, une quantité, une localisation, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, cette localisation. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc le prophète il a vu des choses étonnantes du monde céleste, il a vu Jibril sous sa véritable apparence, mais Dieu n'est pas concerné par l'espace du le temps. Donc ça c'est une règle importante. Allah dit dans le Coran wa lam yakul lahu kufuwan ahad, c'est-à-dire il n'a pas d'équivalent. Il dit wa la yuhituna bihi ilma, c'est-à-dire il ne cerne pas sa réalité. Les créatures ne peuvent pas atteindre la réalité de Dieu, ça c'est important. Mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dhalik. C'est-à-dire, quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Donc, on doit croire en l'existence de Dieu sans chercher à atteindre sa réalité. Parce que l'espace, le temps, c'est Dieu qui l'a créé, il existe avant l'espace, le temps. Donc les savants disent la yuqalu mata kana wa la ayna kana wa la kayf. On ne dit pas où, ni comment, ni quand, ni comment à son sujet. Le croyant, justement, celui qui reconnaît qu'il est incapable d'atteindre la réalité de Dieu. C'est ça le croyant. C'est ça la croyance en l'unicité de Dieu, c'est ça la croyance des prophètes. Donc, et c'est ça que ça veut dire aussi ce qu'on vient de dire. Subhana alladhi asra bi abdihi. Il est exempt d'imperfection celui qui a fait voyager son esclave, c'est-à-dire Muhammad, de nuit, de la mosquée al-Haram, qui est la Mecque, il y a donc la Kaaba, à la mosquée al-Aqsa, qui est à Jérusalem, à la Mecque. En Palestine. C'est là-bas donc que le prophète il a dirigé tous les prophètes dans la prière, dans la mosquée al-Aqsa. Donc la mosquée donc on rappelle donc la mosquée al-Haram c'est la meilleure mosquée, c'est à la Mecque. Et la Kaaba qui est dedans donc les savants, ils ont dit que ça a été construit par Adam. Et d'autres savants, ils ont dit que c'est les anges qui l'ont construit. Et il a été cité que 40 ans après, ça a été construit. Dans le hadith, il a été rapporté que Masjid al-Aqsa, la mosquée al-Aqsa à Jérusalem, ça a été construit 40 ans après. Après, donc, la Kaaba. Donc, Adam, bien sûr, c'est le premier homme, premier prophète. Il avait une belle apparence. Et Dieu lui a donné toutes les connaissances de base pour enseigner cela aux humains, comme semer le blé, faire le pain, la forge, le tissage, il parlait toutes les langues. Et selon l'avis de beaucoup de savants, c'est lui qui a construit la Kaaba. Elle a été reconstruite aussi au cours du temps à d'autres occasions, comme notamment par Sayyidina Ibrahim et son fils Ismaïl, comme cela est cité dans le Coran. Donc, il a voyagé, le prophète, alayhi salam, sur une monture étonnante. C'est une monture du paradis qu'on appelle Buraq, qui va tellement vite que en fait, il sans pas, il y a perte de vue. Donc sans pas, il atteint là où elle atteint sa vue. Donc chaque pas, c'est à perte de vue. Et cette monture, auparavant, elle était utilisée par le prophète Ibrahim qui voyageait entre la Palestine et la Mecque aussi, parce qu'il avait son fils Ishaq en Palestine et il avait un autre fils Ismaïl à la Mecque. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est descendant du prophète Ismaïl. Et donc, Sayyidina Muhammad, alayhi wa sallam, dans la route, à chaque fois, Jibril, il a vu des choses. Donc, c'était avant qu'il émigre à Médine. Donc, il est arrivé, il est passé par Médine, qui s'appelait Yathrib, c'est le prophète qui l'a appelé Médine. Et Sayyidina Jibril lui dit à chaque fois, descends dans des endroits spécifiques, descends, fais deux rak'a pour la baraka. Donc, à Médine, lui a dit de descendre à Madian, la ville où il y avait le prophète Shu'aib. Et il lui a dit de faire deux rak'a. Donc pour la baraka, et ça montre, c'est bien de chercher la baraka en croyant que c'est Dieu le créateur du profit de la nuisance. Donc le prophète qui est le meilleur des prophètes, pourtant Jibril lui dit de faire des rak'a où il y avait des endroits où il y avait des prophètes, pour les bénédictions. Et en passant au mont Sinaï aussi, il lui a dit de faire des rak'a, pourquoi? Parce qu'il y avait au mont Sinaï, c'était Sayyidina Moussa quand il a reçu la révélation de Dieu. Il a entendu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas un son, ni des lettres. Ce n'est pas une langue arabe, ni une autre langue. Ne ressemble pas à la parole des créatures, la parole de Dieu. Et ils sont arrivés à Bethléem aussi, Bethléem, Beitoulaham, où aussi il lui a dit de faire deux rak'a. Et pourquoi? Parce qu'en cet endroit, il y avait Sayyidina Isa. Il est né à Bethléem, Sayyidina Isa. Dieu l'a créé, est tout-puissant, a créé Adam, son père, ni mère. Il a créé Isa, son père, avec une mère. Donc, Isa, c'est un prophète, il est musulman, et il n'a pas été crucifié, il a été élevé au ciel, il va redescendre, c'est parmi les signes de la fin du monde. Et après, il est arrivé à Beit al-Maqdis, Donc il a fait donc Jibril lui a ramené donc deux boissons, une boisson du paradis, donc le khamar qui est cité dans le Coran en fait. Ici, une remarque, il n'est pas permis de croire que Jibril l'aurait ramené du vin ou une boisson alcoolisée, mais c'était une boisson du paradis. Sauf dans le hadith, il est cité le khamar, et le khamar s'est utilisé dans le Coran pour la boisson du paradis, et c'est utilisé dans la langue arabe pour désigner le vin. Donc ici, c'est dans le contexte où Jibril lui a ramené cette boisson, ça désigne bien sûr la boisson délicieuse des gens du paradis. Et il lui a ramené du lait. Et le prophète, il a choisi le lait. Et Jibril lui a dit dans le sens que ça, c'est un signe d'attachement à la religion, le fait d'avoir choisi le lait. Et Dieu a réuni pour lui tous les prophètes, de Adam le premier jusqu'à Isa l'avant-dernier. Et Jibril l'a avancé le prophète pour les diriger en tant qu'imam, pour montrer que c'est le meilleur des prophètes. Et ensuite, c'est là le Mi'raj, après, il est monté sur comme une échelle en fait, avec une marche en or, une marche en argent, pour l'ascension à travers les cieux. Et il a vu des choses étonnantes du monde céleste. Et parmi cela, il a vu Djibril sous sa véritable apparence, et qui s'est rapproché de lui, qui était très proche de lui. C'était la deuxième fois que le prophète il voyait Djibril sous sa véritable apparence. Elle est immense, il a 600 ailes. Donc la première fois, le prophète s'était évanoui avant l'Isra et le Mi'raj quand il a vu Djibril, parce que tellement il était immense. Et la deuxième fois, il a été renforcé pour supporter ces choses étonnantes du monde céleste. Et certains prophètes l'ont accueilli dans chaque ciel, dans le premier ciel, Adam, qui est le premier des humains, le premier prophète. Dans le deuxième, c'était le prophète Issa et Yahya, c'était le cousin de Issa, les deux prophètes. Dans le troisième, c'était Youssef, et le prophète a décrit Youssef comme quoi il lui a été accordé la moitié de la beauté. Et le prophète lui a été accordé toute la beauté, parce que celui qui a la plus belle apparence, comme il est cité dans le hadith, que Dieu a envoyé les prophètes, tous ils ont un beau visage, une belle voix, et certes votre prophète a le plus beau visage, la plus belle voix d'entre eux. Donc tous les prophètes, ils ont une belle apparence, donc ils sont préservés des maladies qui repoussent les gens. Même s'ils tombent malades, ils n'ont pas les mauvaises odeurs, les choses qui repoussent les gens, ils sont préservés de cela. De là, il faut faire attention à certaines histoires erronées. En fait, qui sont propagés chez les ignorants, et ça vient de chez les, enfin de ces histoires qui viennent des non-musulmans en fait, où ils disent qu'un prophète il avait la lèpre, qu'il des vers sortaient de lui, en parlant de Saïd Ayoub. Et ça c'est pas digne des prophètes, parce que les prophètes même s'ils tombent malades, comme Saïd Ayoub il est resté malade 18 ans dans le hadith, mais c'est pas une maladie qui repousse les gens. Ils ont une forte fièvre, les douleurs, etc. Mais pas les choses qui repoussent les gens, parce que Dieu, il a la sagesse absolue. Il a envoyé les prophètes pour appeler les gens à la vérité, c'est pas pour repousser les gens. Et donc, il a vu Sayyidina Youssef, alayhi salam. Et bien sûr, Youssef, entre parenthèses, il est innocent, et les prophètes tous, ils sont préservés de vouloir faire la fornication ou des grands péchés, comme le fait de se suicider, c'est pas digne des prophètes. Parce que c'est des modèles pour les gens, les prophètes sont préservés par Dieu. Donc dans le Coran, dans Sourate Yusuf, il est cité qu'une femme voulait faire la fornication avec lui, mais lui, il ne voulait pas, bien évidemment, il a repoussé la femme. Enfin, il voulait la repousser, il est parti, puis elle a déchiré son vêtement par derrière. Et dans le quatrième, il a vu Idriss. Donc Idriss, c'est en fait, chronologiquement, dans le temps, c'est le troisième prophète. Adam, c'est le premier, après Chith, ensuite Idriss, après Nouh, dans le temps. Et dans la période des trois premiers prophètes, Adam, Chith et Idriss, tous les humains étaient musulmans. C'est après la mort du troisième prophète, Idriss, que des humains commençaient à adorer des statues. Et le prophète, il l'a vu dans le quatrième ciel. Dans le cinquième, il a vu une Haroun, c'est le frère du prophète Moussa, c'est un prophète aussi. Et dans le sixième, il a vu le prophète Moussa. Donc, ils l'ont accueilli, ils l'ont fait bon accueil. Et donc là aussi, concernant le prophète Moussa, comme on l'a vu dans le hadith qu'on vient de citer, que tous, ils ont un beau visage, une belle voix. Donc, les prophètes, ils s'expriment de façon éloquente, ils n'ont pas des choses qui font qu'ils parlent mal ou qu'ils maîtrisent pas le langage, comme certains ils racontent aussi sur Moussa qui savait pas s'exprimer, etc., etc. Il changeait les lettres, des choses comme ça, qu'il n'arrive pas à maîtriser sa langue. Ça, c'est pas digne des prophètes, parce que les prophètes ils transmettent le message par voie orale, bien évidemment, c'est pas avec des signes, mais ils parlent. Donc c'est pour ça ils sont éloquents, ils ont une belle voix, tous. Donc, bien sûr, ils ont des langues différentes. Comme on a vu, ils sont tous musulmans, mais ils ne sont pas tous arabes. Il n'y a que quatre prophètes arabes. Et donc, Moussa, c'est vrai que dans l'histoire, il est cité que dans le palais de Pharaon, il a mis une braise. Dieu a fait qu'il mette une braise, comme ça, en fait, Pharaon, parce qu'il voulait le tuer. Et donc, ça n'a pas fait que ça n'a pas influé sur le fait qu'il s'exprime correctement, de façon éloquente, de façon compréhensible. Dans le septième ciel, il a vu le deuxième meilleur prophète, c'est Sayyidina Ibrahim, qui est l'ancêtre aussi du prophète Mohammed. Il a vu le prophète Ibrahim. Donc, et après, il est parti aussi. Plus loin, il a vu une belle arbre, Sidratul Muntaha, qui est très très un très bel arbre. Et aussi, il a été rapporté que il a reçu la révélation, donc dès ce qu'on a dit au début, des 50 prières. Il a reçu la révélation de Dieu, de l'obligation de 50 prières. Et après, le Moussa, il a incité le prophète Mohammed, et ça montre que les prophètes sont utiles même après leur mort. Moussa, cette nuit-là, il a incité le prophète Mohammed, de demander à Dieu l'allègement. Il demandait à chaque fois le prophète que Dieu l'allège, et chaque fois c'était allégé de 5. Au début c'était 50, 45, 40, 35, 30, etc., 25, etc. À chaque fois, Moussa lui dit de demander l'allègement, et chaque fois c'est allégé de 5, jusqu'à ce qu'il arrive à 5. Donc c'était là l'obligation des 5 prières, et le lendemain justement, parce que le prophète est revenu après à la Mecque avant la fin de la nuit, c'est cela qui constitue aussi un miracle. Il a voyagé de la Mecque, Jérusalem, et travers les 7 cieux, parce qu'entre un ciel et un autre, il y a une distance de 500 ans. Et l'épaisseur de chaque ciel, c'est 500 ans. Il est arrivé avant la fin de la nuit. Il est revenu à la Mecque, et ça c'est un miracle. Chose extraordinaire. Et le lendemain, Djibril lui a montré justement les temps des prières. Et ça, c'est important aussi d'apprendre les temps des prières, d'où l'importance d'apprendre, d'assister à des cours de sciences de la religion pour connaître le prophète. Et lui est venu, Djibril, le lendemain, il est venu à Dhuhr. C'est pour ça que les savants, ils commencent à citer Dhuhr. Donc, le temps des prières connues, notamment Dhuhr, quand le soleil quitte le milieu du ciel. Et donc, ça, c'est parmi les choses étonnantes qu'il a vues. Puis, il a vu d'autres choses. En fait, il a vu aussi il a vu Dieu par son cœur. Les savants, la majorité des savants, ils ont dit il a vu Dieu par son cœur, par ses yeux. Dans l'au-delà, il faut croire que tous les croyants au paradis verront Dieu sans qu'il soit localisé, sans qu'il soit dans un endroit. Donc, ça veut dire toujours, comme on a dit, on croit sans assimilation, sans imagination, parce que la croyance, c'est pas par l'imagination, bien sûr. L'exemple qu'on peut donner simple, c'est quand on voit le soleil se coucher vers le côté de la mer, si on imagine, on croit que le soleil rentre dans la mer, alors que ce n'est pas comme ça. Et bien la croyance aussi, on ne peut pas imaginer Dieu, à plus forte raison. Déjà, on ne peut pas imaginer un temps, ni une obscurité, ni une lumière. Donc on ne peut pas imaginer Dieu, le créateur de l'univers. Donc on le voit, et ça c'est cité dans le Coran, c'est confirmé, tous les croyants verront Dieu sans comment, sans direction, sans quantité, sans localisation, sans distance, comme on dit les grands savants, comme cela est confirmé dans la religion. Et donc ça, c'est le meilleur des récompenses, le meilleur des félicités pour les gens du paradis. Donc le prophète, lui, il a vu Dieu par son cœur. Et donc, il a vu aussi, certaines choses qu'il a vues dans son chemin, on va voir, et dans le ciel aussi, brièvement. Donc, dans le chemin, il a vu certaines... Dieu lui a montré certaines images de l'état de certains gens. Donc, il a vu, par exemple, l'état de ceux, des gens dont les langues et les lèvres étaient pincées avec des tenailles de fer. Et Jibril lui explique l'image à chaque fois. Il a dit, ça, c'est les gens qui font des discours pour tromper les gens, pour appeler les gens à la corruption, comme certains, beaucoup qu'on voit, ils falsifient la religion, ils parlent en islam, ils appellent les gens à l'égarement, ils assignent Dieu à ses créatures, et ils incitent aux gens à la mécréance. Comme certains qui disent aux gens, ils attribuent à Dieu ce qui n'est pas digne de lui, ou certains qui rendent licite le fait ce que Dieu a interdit, ou rendent licite par exemple le fait de se moquer du prophète, ou de la religion, ou d'adorer autre que Dieu, ou d'assimiler Dieu à ses créatures. Et tout ça sous le nom de l'islam. Donc le prophète, il a vu l'état des gens, de ce genre de gens. Et il a vu aussi l'image, par exemple, un taureau qui sortait d'un orifice étroit, il essaie de revenir, il ne peut pas. Jibril lui a expliqué ça, ça désigne l'image de quelqu'un qui dit une mauvaise parole, mais il ne peut plus la faire revenir. Quand c'est sorti, tu ne peux plus la revenir, c'est trop tard. Il ne peut plus prendre la parole et la faire retourner. Elle est sortie. Il a vu l'état des gens qui ne donnaient pas la zakat. Donc, et il a vu donc les gens qui se griffaient le visage, les poitrines avec des griffes métalliques. Il a dit ça, c'est les gens qui font la médisance. L'image de gens qui font qui font la médisance des gens, c'est-à-dire ceux qui parlent sur les musulmans parce qu'ils ne n'aiment pas, comme beaucoup de gens, ils passent leur temps, celui-là il a fait ça, celui-là, des choses que la personne n'aimerait pas qu'on dise d'elle. Ça, celui-là, c'est sa maison, elle est désordonnée, etc. Ou ses enfants sont mal élevés. Donc ça, c'est la médisance que Dieu a interdit dans le Coran et que le prophète il a interdit dans le Hadith. Donc ça, c'est parmi l'état des gens qu'il a vu, le prophète. Ceux qui, il a vu l'état des gens qui ne font pas la prière. Il a vu des gens, en fait, qu'est-ce qui leur arrivait, ces gens-là. Tout ça dans son voyage, le prophète de la Mecque à Jérusalem. Il y avait des gens que dont les têtes c'était, se fissuraient et puis revenaient comme elles étaient. Se cassaient, revenaient comme elles étaient, comme châtiment qu'ils avaient. Et Jibril lui a dit, ça c'est les gens qui ne font pas, qui délaissent la prière. Ils trouvent lourd en fait d'accomplir la prière. Donc ça c'est parmi les choses étonnantes. Il a vu aussi le bas monde dans son voyage. Il a vu le bas monde sous l'apparence d'une vieille femme. Pourquoi ? Ça désigne quoi ? Parce que ça veut dire que le bas monde, ce qui est passé du bas monde, c'est plus ce qu'il en reste. C'est-à-dire le bas monde va vers sa fin, de façon générale. Sinon, chacun, bien sûr, la mort, il ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir. Mais globalement, c'est-à-dire la fin du monde approche. C'est ça qui est visé. Donc on a dit, alors, il est monté dans les cieux, c'est ce qu'on a dit, et ce qu'il a vu comme chose étonnante, il a rencontré les prophètes, puis il a vu le paradis. Donc il a vu le paradis donc qui au-dessus du septième ciel, il y a une félicité éternelle, où les gens, ils ont une félicité, ils ne mangent pas, c'est-à-dire mangent par plaisir en fait, mangent par plaisir, ils n'ont jamais faim, ni soif, ne se fatiguent pas. Il a dit le prophète, ils n'ont pas tout ce qui est répugnant, n'urinent pas, ne défèquent pas, et ils ne seront jamais chagrinés, ni attristés, ils ne tombent jamais malades, ils ne vieillissent pas. Et il y a bien sûr une félicité selon les degrés. Plus la personne fait du bien, plus elle aura une félicité, plusieurs degrés au paradis. Et il a vu aussi l'ange gardien donc, du paradis, Ridwan. Et il a vu aussi l'ange gardien de l'enfer qui sourit jamais, qui s'appelle Malik. Et Jibril, quand le prophète, il a posé la question à Jibril, pourquoi lui il sourit pas? Jibril lui a dit au prophète, donc depuis que Dieu l'a créé, il ne sourit pas à Malik, l'ange gardien de l'enfer. Et s'il aurait souri à une créature, il aurait souri à toi. Et donc, il a vu aussi les anges qui sont des corps créés à partir de lumière, qui ont des ailes, qui ne sont ni mâles ni femelles. Ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils ne se reproduisent pas, ils ne désobéissent pas à Dieu en ce qu'il leur ordonne, ils font ce qu'il aurait ordonné. Et leur président, c'est l'ange Jibril. Donc, sur terre aussi, il avait vu dans le voyage, parce qu'on a dit, on répète, il y a l'Isra, le Mi'raj. L'Isra, c'est le voyage de la Mecque à Jérusalem, c'est l'Isra, le voyage de nuit. Et le Mi'raj, c'est l'ascension après cela dans les cieux. Tout ça, c'était une partie de nuit, c'est pour ça que cela constitue un miracle. Donc, il a vu Iblis aussi, quelqu'un qui est égaré du chemin, il l'a vu de cette apparence-là. Iblis, lui, c'est un djinn. Il y a les humains, les anges, les djinns. Les djinns, il y a des musulmans, des mécréants, des mâles et des femelles. Alors les anges sont tous musulmans, il n'y a pas de mâles ni de femelles. Donc, Iblis, il était musulman. Avant, il adorait Dieu avec les anges. Après, bien sûr, il a désobéi à Dieu, il est devenu mécréant. Donc on a dit aussi, il a vu un bel arbre qu'on appelle Sidratul Muntaha. C'est cité dans le Coran, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sidratul muntaha, c'est un grand arbre qui part du 6e ciel jusqu'au 7e. En sachant que entre chaque ciel et un autre, il y a 500 ans. Distance de 500 ans de marche. Donc bien sûr, Dieu a créé cette terre, sept cieux. Donc nous, on ne voit pas la limite, mais le monde, il a une limite. Mais nous, on ne voit pas la limite. Déjà, le prophète, il a vu aussi le trône, le plus grand corps que Dieu a créé. Le trône, donc l'arche. Et donc, le prophète, qu'est-ce qu'il nous raconte sur le, qu'est-ce qu'il nous dit sur le trône? Il dit « Mas samawatu sab'u fi jambi al-kursi illa ka halqatin fi ardin falat wa fadlu al-arshi ala al-kursi ka fadli al-falati ala al-halqa. » Il dit dans ce hadith, le prophète, il dit « Les sept cieux, pourtant ils sont immenses. Par rapport au kursi, c'est une autre créature que Dieu a créée. C'est comme un anneau, comme une bague dans le désert. Et le mérite du trône sur le kursi, comme le mérite de la terre déserte sur l'anneau. Ça veut dire les cieux par rapport au trône, c'est comme un anneau dans le désert. Et par rapport au kursi, et le kursi lui-même par rapport au trône, c'est comme un anneau dans le désert. C'est-à-dire, cette créature, le kursi, c'est beaucoup plus grand que les cieux. Et le trône lui-même, beaucoup plus grand que le kursi. Ça veut dire, le trône est beaucoup, beaucoup plus grand que les sept cieux. Bien sûr, toutes ces créatures, comme on l'a dit au début, Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a besoin de rien, ça c'est important. Donc, c'est un point très important. Parce que si quelqu'un il attribue à Dieu le besoin des créatures, il n'est pas musulman, sa prière n'est pas valable, il n'a pas de récompense. Ça, c'est la base de l'islam, que Dieu n'a besoin de rien. Et c'est là la croyance de tous les prophètes. Et la seule croyance conforme à la raison, que Dieu n'a pas de forme, ni de quantité, ni de localisation. C'est ça qui fait que l'islam est la seule vraie religion. La seule religion, c'est la religion de tous les prophètes, parce que c'est la seule religion qui dit que Dieu n'a pas de forme, ni de quantité, ni de localisation. Parce que rationnellement, selon la raison, Dieu nous a donné la raison. Tout ce qui est une forme, une quantité, une localisation, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Donc ça, c'est vraiment la base. Parce que des gens, ils délaissent la base, ils parlent de ce qui est secondaire. Donc ils insistent sur l'apparence, l'histoire, etc., etc. Alors que dans l'islam, la base la plus importante, c'est la foi en Dieu. Ça, c'est la plus importante. C'est le sujet le plus important. Que Dieu est le créateur de l'univers, que Dieu n'a pas de ressemblance aux créatures. Donc ça, c'est vraiment la base. Croire que Dieu, c'est un vieillard, une lumière ou un esprit, ça, c'est de la mécréance claire. Même si quelqu'un il va à la mosquée, même s'il s'habille comme les musulmans, s'il croit à ça, il n'est pas musulman, il n'adore pas Dieu. Parce que Dieu est le créateur de tout. L'imagination, de notre des corps. Allah dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est-à-dire, Allah vous a créé ce que vous faites. Votre pensée, votre sentiment, votre mouvement, tout est créé par Dieu. Dieu existe avant les créatures. Tout l'univers, Dieu peut le créer en un instant. Il anéantit en un instant. Le monde ne peut pas se passer de Dieu, ne serait-ce qu'un instant. Chaque instant est créé par Dieu. Donc, vraiment, ça, c'est la base. Donc, Dieu n'a pas besoin ni du prophète, ni des anges, il n'a besoin de rien. Et donc, Dieu a créé le trône, c'est le plus grand corps que Dieu a créé. C'est la deuxième créature, le trône dans le hadith. La première, c'est l'eau. Et le trône, c'est la deuxième créature. Et donc, c'est ce qu'il a vu, le prophète. Et Allah dit dans le Coran, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. C'est-à-dire, les anges, ils sont très, très, très nombreux. Il n'y a que Dieu qui sait leur nombre. Ben, ils tournent autour du trône, comme les musulmans tournent autour de la Kaaba, les humains. Et eux, ils tournent autour du trône, ils glorifient Dieu, comme le verset qu'on vient de citer. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. On a vu au début de tasbih, c'est glorifier Dieu, quand on dit Subhanallah. Donc ça, c'est parmi ce qu'il a... il a, comme on a vu, le prophète, il a reçu la révélation, il a entendu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas une sang, ni des lettres. Les lettres, quand on parle français, arabe, n'importe quelle langue, ça a un début, ça a une fin, ça change. Dieu, comme on dit dans les pays musulmans, « Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyir » Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Donc comme Moussa, il a entendu la parole de Dieu, le prophète aussi, c'est-à-dire il a compris de la parole de Dieu l'ordre des cinq prières, hein, comme on a vu. Avant, il n'y avait pas l'obligation de cinq prières, c'était révélé pendant ce miracle-là, le voyage nocturne et l'ascension. Et comme on a vu, Dieu parle sans langue ni lèvres, sa parole ne ressemble pas à la parole des créatures. Il dit dans le Coran, « Laysa kamithlihi shay », c'est-à-dire « rien n'est tel que lui ». Et donc, Dieu lui a révélé aussi que Dieu pardonne les grands péchés à qui il veut. Un musulman, même s'il a fait des grands péchés, s'il meurt, certains Dieu leur pardonne, ils vont au paradis, mais ils n'auront pas le même niveau que les bons pratiquants, les pieux, ayant à ceux qui ont accompli les devoirs et qui ont évité tous les interdits. Et certains, ils vont se faire châtier, les musulmans grands pécheurs, mais ils ne restent pas éternellement. Alors que le mécréant, s'il est qui meurt mécréant, bien sûr, Dieu ne le pardonne pas, bien sûr, Dieu a décrété cela, Dieu fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre, tout lui appartient. Parce que Dieu nous apprend dans le Coran, justement, dans plusieurs versets, que si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. C'est-à-dire, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Mais Dieu a guidé certains, il a guéri d'autres. Il fait ce qu'il veut. On ne peut pas dire à Dieu pourquoi. Tout appartient à Dieu. Justement, le musulman, il remercie Dieu d'avoir, pour le bienfait de l'islam, qui est le meilleur bienfait que Dieu accorde. Donc la mécréance, Dieu ne la pardonne pas. Toutes ces sortes. Pour celui qui est pubère, avant la puberté, on ne rend pas des comptes, comme on sait. Celui qui assime Dieu à ses créatures, celui qui se moque de la loi de Dieu, celui qui rabaisse Dieu ou les prophètes, ou qui approuve ces choses-là, ou qui aide à cela, bien sûr, tout ça c'est de la mécréance. Parce que le musulman ne doit pas approuver ce que Dieu a interdit. S'il peut corriger, conseille, s'il ne peut pas, il déteste par son cœur. Et donc, comme on a vu, il a vu Dieu par son cœur. Mais dans l'au-delà, Allah dit dans le Coran, « Wujuhun yawma idhan nadira ila rabbiha nadira » C'est-à-dire, des visages resplendissants ce jour-là verront leur Seigneur. C'est-à-dire, c'est la plus grande félicité des gens du paradis. Les musulmans, ils voient Dieu, pas comme sont vues les créatures. Les créatures, on voit nous devant, à droite ou à gauche, en haut, en bas, etc., avec une quantité petite ou grande, etc. Dieu n'est pas concerné par cela. On croit sans imagination. Comme on a dit, la règle, Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Donc c'est un piège de croire qu'on parvient à la vérité par l'imagination. Tout comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si tu regardes le soleil se coucher vers la mer, ton imagination, elle dit bien que le soleil rentre dans la mer, alors que c'est faux. Donc la croyance, ceux qui imaginent, ils croient que Dieu c'est une imagination, ils tombent dans le piège et là c'est plus grave. Par contre, là c'est de l'égarement, de la mécréance. C'est pour cela, les grands savants ils disaient, comme l'imam Ahmad, comme Zunun al-Masri, une belle parole, « Mahma tasawwarta bibalika, fallahu bikhilafi dhalika » C'est-à-dire, quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Donc, ça c'est la plus grande félicité des gens du paradis, qui verront Dieu pas comme sont vus les créatures. Donc ça c'est la croyance des prophètes. On a vu que le prophète il les a dirigés en tant qu'imam. Donc tous ils ont cette croyance là, les prophètes. Qu'est-ce qui change? C'est la langue. Ils sont pas tous arabes qu'on a dit. La jurisprudence, la prière, le nombre de prières, la zakat, le jeûne, ça change selon certains, donc d'un prophète, de certains prophètes à d'autres, ça change. Mais tous ils ont cette croyance de base que Dieu est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il ne meurt pas, qu'il ne s'anéantit pas, qu'il parle sans langue ni lèvres, qu'il est vivant sans cœur ni âme ni chair, qu'il n'a besoin de rien, que toutes les créatures ont besoin de Dieu, qu'il a le vouloir sur tout, sur toute chose. Donc voilà brièvement concernant l'Isra et le Mi'raj, ce grand miracle, comme on l'a dit, ça s'est passé le 27 de Rajab, et on est aujourd'hui justement en Rajab, et la nuit du 27, c'est ce soir. Donc les musulmans, ils commémorent cela, donc en récitant ce qui s'est passé, comme on a fait, on y veut qu'en Dieu, et puis les portes de bien sont ouvertes, elles sont nombreuses, et le plus important des biens, c'est d'obéir à Dieu. Et puis comme il a dit le prophète, c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc pour, comme on a vu, connaître ces détails-là, c'est important, c'est d'apprendre, c'est pas en bouquinant à droite et à gauche, et c'est pas en regardant sur internet. Le prophète il a dit, c'est-à-dire certes la science de la religion est par transmission orale. Et il dit, Allah dit dans le Coran, pour anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara, c'est-à-dire préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible seront des pierres et des humains. Comment se préserver? Bien sûr, il n'y a pas une nourriture ni un habit qui protégerait du feu, mais il n'y a qu'une seule solution, c'est d'apprendre la loi de Dieu et appliquer. Parce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. C'est-à-dire si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Le fait d'exister, de respirer, de voir, etc., etc. Comment remercier Dieu? C'est accomplir les devoirs, éviter les interdits, en sachant bien sûr que Dieu n'a pas besoin de nous, car Dieu ne lui advient ni profit ni nuisance. Donc ce miracle-là glorifie le prophète, fait partie de la religion, et connaître les miracles du prophète, donc c'est important, et c'est le plus grand miracle, celui qui a le plus de miracles, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et ça c'est parmi six miracles, l'Isra et le Mi'raj, donc comme on a dit, le voyage de la Mecque à Jérusalem, où il a dirigé en tant qu'imam tous les prophètes, de Adam jusqu'à Isa, l'avant-dernier. Et puis, il est monté à travers les cieux, il a rencontré certains d'entre eux, et il a vu des choses étonnantes, comme on a vu. Et ce qu'il visait, c'est glorifier le prophète, alayhi salatu wassalam, en lui montrant les choses étonnantes. Mais il n'est pas visé qu'il aurait rencontré Dieu quelque part, comme racontent certains des histoires erronées, donc qui font tomber dans la mécréance, parce qu'attribuer à Dieu l'endroit ou l'espace, c'est de la mécréance, c'est un blasphème, parce que celui qui est concerné par l'espace et le temps, c'est forcément une créature. On a dit Dieu a créé l'espace et le temps, n'est pas concerné par l'espace et le temps. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Et l'imam, justement, Abu Bakr, justement, quand le prophète il est revenu, il a raconté ça aux gens, et les mécréants ils se moquaient de lui. Ils ont dit, Abu Bakr, ton compagnon là, il prétend qu'il est parti à Jérusalem, il est revenu, ils savent qu'il voyageait des jours et des nuits pour aller là-bas faire du commerce. Ils savent que le prophète n'est jamais parti là-bas habituellement avant. Quand tu leur as raconté qu'il a fait ça en une partie de la nuit, ils se sont moqués de lui, les mécréants. Et quand ils ont raconté Abu Bakr, il a dit, si il a dit ça, je crois qu'il est véridique. Et c'est là qu'il était appelé Abu Bakr As-Siddiq, le véridique, celui qui reconnaît la véracité aussi. Sinon son vrai nom c'est Abdullah ibn Abi Quhafa, Abu Bakr qui est le meilleur des compagnons. Ils lui ont posé des questions, le prophète, et le prophète leur a décrit, et même des mécréants ils ont dit il a raison sur l'inscription de la mosquée Al-Aqsa. Ils savent bien qu'il n'est pas parti habituellement avant, auparavant, en voyage normal. Il leur a décrit, et ceux qui connaissaient, ils ont confirmé sa description de Masjid al-Aqsa. Et Abu Bakr, donc justement, on voulait dire, finir avec sa parole, Il a dit une parole importante dans la croyance. Il a dit il a dit reconnaître son incapacité à atteindre la réalité du Dieu est une connaissance, et chercher à connaître sa réalité mène à la mécréance et à l'association. C'est-à-dire reconnaître que Dieu existe, qu'on ne peut pas l'imaginer, qu'il n'a pas de forme et de quantité, rien n'est tel que lui, qu'il est tout puissant, il n'est pas concerné par l'espace, le temps. C'est ça la foi. Mais imaginer une chose et l'adorer, c'est ça qui mène à la mécréance, qui mène des gens à adorer une imagination, des humains, des créatures, le soleil, etc. Ou il y a des gens qui se prétendent musulmans, ou alors qu'ils adorent une imagination, ils attribuent à Dieu les organes, etc. Et notamment dans les mauvaises traductions qu'on trouve des hadiths ou du Coran, ils traduisent mot à mot, ils attribuent à Dieu les organes, la colère, le changement, et ça, c'est pas digne de Dieu. Le Coran, c'est en langue arabe, et le hadith aussi. On ne peut pas traduire mot à mot comme ça. Comme en français, on ne peut pas traduire mot à mot des expressions. Il faut connaître le sens de l'expression. Comme on dit, par exemple, en français, l'animal est dressé, la table est dressée. C'est exactement le même mot, mais ce n'est pas le même sens. Donc, dans le Coran, dans le hadith, il est cité au sujet de Dieu certains mots, mais il ne veut pas dire les organes, ni comme Rayl Mardoubi alayh, il ne veut pas dire la colère, il veut dire la volonté de châtier. Al-Yad, au sujet de Dieu, ça veut dire la puissance, comme il a dit Abdullah ibn Abbas, Al-Wajh. Al-Bukhari, il a expliqué par la souveraineté de Dieu. Donc c'est riche la langue arabe. Donc faire attention, donc, parce que souvent c'est disponible dans les applications, etc. C'est des gens qui font les applications, ils prennent ce que d'autres ont fait et puis ils ne se soucient même pas de la validité religieuse, du contenu. Donc faire attention à cela. Sur Internet, les gens ils se partagent entre guillemets des rappels, mais en fait, souvent il y a des erreurs et les gens ils voient que c'est au nom de l'islam et puis ils adhèrent sans vérifier. Et ça, c'est pas bon. Parce que dans la tombe, on sera tout seul, bien sûr. Et surtout, cette base-là, la croyance en Dieu, en les prophètes, comme on a vu. Les prophètes sont les meilleurs des créatures, on a dit, ils sont intelligents, ils ont tous un beau visage, une belle voix. Et ils sont tous musulmans, bien évidemment. Et tous, ils ont expliqué la croyance que, comme il a dit Abu Bakr, c'est-à-dire reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu, c'est une connaissance, et chercher à connaître sa réalité mène à la mécréance et au shirk. Seul Dieu sait sa réalité. Nous, on connaît Dieu par ses attributs. Il est unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas de début ni de fin, il ne change pas. Il existe sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. Il a le vouloir sur toute chose, il parle sans langue ni lèvres, sa parole n'est pas une langue arabe ni autre langue, il est vivant sans cœur, ni âme, ni chair. Bien sûr, quiconque attribue à Dieu ce qui n'est pas digne de lui, bah, ça annule l'islam de la personne. Celui qui rabaisse les prophètes aussi, celui qui rabaisse la loi de Dieu. Et la personne, dans ce cas-là, doit revenir à l'islam par les deux témoignages. Elle ne peut se corriger qu'en prononçant les deux témoignages. Si quelqu'un il imaginait quelque chose, il croyait que c'est Dieu, et là, ben, sa prière, son jeûne ne seront pas acceptés de lui tant qu'il ne redit pas les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu pour revenir à l'islam. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc ce résumé pour cette occasion. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مكروبا إلا فرجت عنه برحمتك أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده السامي المعصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم آت كل واحد من الحاضرين سؤالا من الخير بجاه سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين